Aprende con Débora. Hoy aprenderemos a preguntar y dar l'heure, la hora. En francés, para separar las horas de los minutos, utilizamos la letra H en lugar de los dos puntos. Punto 1. ¿Cómo preguntar qué hora es? La forma más común es Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? O de forma más coloquial, Il est quelle heure? Il est quelle heure? Punto 2. Horas principales. Es la una. Il est une heure. Il est une heure. Son las ocho. Il est huit heures. Il est huit heures. Es mediodía. Il est midi. Il est midi. Es medianoche. Il est minuit. Il est minuit. Punto 3. Cuartos y medias. Y cuarto, écart. Écart. Y media, et demi. Et demi. Menos cuarto, moins le quart. Moins le quart. Ejemplo, il est deux heures et quart. Il est deux heures et quart. Son las dos y cuarto. Sigue practicando. Lo haces muy bien. Au revoir. Au revoir. Adiós.